Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé. À noter que l'émission de la semaine prochaine attaquera dès 20h et ce sera une émission en direct dans laquelle nous recevrons Emile de l'assaut Riposte qui viendra nous parler de la prochaine édition du Winter Rip qui aura lieu eh bien, une semaine plus tard. Dans l'émission de ce soir, quelques petites nouveautés bien délicieuses et délicates. Condemned, Gamay Bomb, Pénitence Onirique pour la France, ainsi que Azilian, Descott Society. On aura également les Anglais de Temper Phrase et les Japonais de Coven. Coven Japan, pour être plus exact. Et quelques autres formations, voilà, qu'on prendra le temps de découvrir ensemble tout au long de l'émission de ce soir. Doublette d'ouverture en délicatesse venue, d'ailleurs les deux doublettes... d'ouverture nous viennent d'Amérique du Nord. Suffocation, tout d'abord, les patrons du Brutal Death, Tech Death, Proto Slam, nous sortent un très très bon nouvel effort studio, Hymn from the Apocrypha, une sortie toujours chez Nuclear Blast. À noter que c'est le premier album studio qu'enregistre Ricky Myers, voilà, leur vocaliste depuis quelques années, uniquement en live jusqu'à maintenant, suite au départ à la retraite de Sir Frank Mullen. Et à noter que Ricky Myers fait sacrément le job. On l'avait déjà constaté en live, on en a confirmation sur album. Hear of the Knife en doublette avec Suffo, les jeunes loups venus du Delaware, ils nous sortent un second effort studio, No Love Lost. On gagne encore un cran en termes de violence et de frontalité, d'engagement dans leur compo. À découvrir absolument si c'est pas déjà fait. Even Denied, c'est le titre qu'on s'écoutera pour Year of the Knife. Juste avant ça, en ouverture de l'émission pour ce soir, Suffocation, avec le morceau Death. C'est parti, et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission. Yeah. On fait pas franchement rajeunir la programmation avec la doublette suivante, Cirrus and Goal, enchaînée à Autopsy, deux formations bien old school, venues donc d'Amérique du Nord. Cirrus and Goal, tout d'abord, le groupe de Heavy Epic Doom nous sort Dark Parade, une sortie chez Metal Blade. Perso, j'ai adoré ce nouvel effort studio, il est prenant, il y a des séquences carrément hypnotiques, enfin c'est très très très immersif comme nouvel effort studio. Le groupe annonce d'ailleurs ses dernières dates live tout au long de l'année 2024. Autopsie, ensuite le cultissime groupe de Gordes, toujours emmené par le batteur-chanteur Chris Reffert. Ashes, Organs, Blood and Crypt, c'est une sortie qui a vu le jour fin octobre chez Peaceville Records. Ça innove zéro ce que nous fait Autopsie, mais c'est juste tellement bien fait. Morphins, c'est le titre qu'on s'écoutera pour Autopsie. Et juste avant ça, Cirrus and Goal, titre éponyme avec le morceau Dark Parade. C'est parti. We'll be right back. We die in the dark. on rajeunit et on diversifie dans la doublette à venir. End enchaînée à Azagrom. End, c'est ce super groupe qui nous fait du négative hardcore, presque madcore, un peu à la Sectioned. Ça nous vient des US, ouais, encore une formation américaine dans la diff de ce soir. Actif depuis une demi-douzaine d'années. Ils viennent là de sortir leur second album studio. Au niveau du line-up, on retrouve des ex et actuels membres de Fit for an Autopsy, Acacia Strain, Counterpart et autres Shai Ulud. Voilà, pour faire la présentation du pedigree des bonhommes qu'il y a dedans. C'est un peu grind, un peu blackened, ouais, vraiment très, très décousu, très violent, dérangeant. Hyper intense et on se fait rouler dessus pendant 30 minutes avec le sourire. Azagrom, un autre rouleau compresseur qui cette fois nous vient des Pays-Bas, une formation black metal 100% féminine. Troisième effort studio, on est sur un black très traditionnel scandinave des 90s. Dans la lignée, forcément, ne serait-ce que sur les lignes de chant d'un Darkness Nocturne Slaughter Cult. Un album assez court, hein, 35 minutes de pure haine glaciale. Les présentations sont donc faites. End, on s'écoutera le titre Twice Devoured, avec au passage un petit feat avec Ace de Peak Destroyer. L'album s'intitule The Sin of Human Frailty. Azagrom ensuite, Ignem Purificat Lilithov, extrait d'album Veil of Death Ruptured. Et tout ça, bien sûr, c'est déjà disponible. Yeah! La doublette suivante est ouverte par un groupe qui a bénéficié d'un petit focus la semaine passée. Cranium, le groupe de Slam Death, qui vient à l'origine de Norvège, qui évolue maintenant un petit peu partout en Europe occidentale, nous sort un très très bon nouvel album, un gros up au niveau de la qualité du son, et toujours cette brutalité bien dégueulasse, puissante du slam, hein. 6 ans se sont écoulés avec le précédent album. Au passage, le groupe signe chez Unique Leader. 8 compos pour une quarantaine de minutes. Voilà, des titres bien imposants, assez généreux dans leur durée, hein, du coup. Et voilà, c'est bête et méchant et bien efficace, le nouvel effort studio de Cranium. Malocarpatan en doublette avec eux. Là, on est sur du Heavy Black qui nous vient de Slovaquie. On retrouve cette formation depuis une dizaine d'années. On est sur une formation d'inspiration proto-black d'Europe centrale, hein, entre Tormentor et Master Hammer. On a des relents même heavy occulte à la sauce Mercyful Fate. C'est riche, c'est soigné, quelques petits éléments folk liés à l'histoire du pays. Voilà, c'est une excellente sortie studio que ce nouvel effort de Malocarpatan. Au niveau des morceaux, on va s'écouter Cunt Pierced with Rusty Nails, extra album Scriptures of Vicinal Defilement pour Cranium, Malocarpatan, Kochar Put You Pie, extra de l'album Vertum Nos Caesar. Et oui, parce que Malocarpatan, au passage, chante en slovaque aussi bien qu'en anglais. Un vrai plaisir à prononcer. Et c'est parti. Allez, la doublette va nous renvoyer aux États-Unis, mais tout d'abord une petite escale par l'Irlande avec Gamma Bomb, l'explosif groupe de speed trash actif depuis une vingtaine d'années qui vient de sortir son 8e effort studio. C'est toujours aussi déconnant en termes d'attitude, hein, mais musicalement c'est ultra cool et très très très bien foutu. On est sur du trash expéditif sans être basique, hein, les compos font entre 2 et 5 minutes. Donc voilà, ce nouvel effort studio de Gamma Bomb, une excellente sortie, il s'intitule sobrement Bats, on s'écoutera le morceau Materialize. Et une autre nouveauté en doublette avec Gamma Bomb, là on est sur quelque chose d'un peu plus sombre et extrême, Condemned, le groupe de Brutal Slam Death venu de Californie. actif également depuis une vingtaine d'années, pardon, qui vient de sortir son 4e effort studio, également chez Unique Leader, une sortie qui voit le jour 6 ans et demi après le Is Divine Shadow. Et cet album m'avait laissé un peu sur ma faim, et au passage, tout le line-up a été dégagé et remodelé autour du guitariste fondateur. À la deuxième guitare, on retrouve l'intégration d'un des gratteux de Pathologie, qui récemment a sorti également un excellent album studio. Et on notera petite pièce sur le nouveau vocaliste qui arrache bien comme il faut. 12 titres pour une petite quarantaine de minutes, ça tartine, c'est brutal, c'est groovy. Et pour moi, Condemned, voilà, c'est un album particulièrement sombre dans les inspirations textuelles et dans l'ambiance globale. Et c'est une pure réussite. Condemned, on s'écoutera le morceau Valak, extrait de l'album Daemonium. Et c'est parti. Can no smoke drift across your vision? The smell of death. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On attaque l'aspect française avec tout d'abord une nouveauté, Pénitence Onirique, le groupe de black originaire de Chartres, actif depuis une dizaine d'années, qui vient de sortir son troisième effort studio, toujours sur le label Atlantique. Les acteurs de l'ombre, je voulais dire label nantais, je sais pas pourquoi j'ai dit Atlantique, n'importe quoi, probablement à cause de la métropole Nantes-Atlantique, ça doit être ça le lien. Un nouvel effort de 7 titres pour 45 minutes d'un black très français, texte en français, un très bon équilibrage entre les parties frontales et plutôt atmosphérique. Voilà, c'est la pure French recette. Pure recette française d'ailleurs, n'importe quoi, comment ça te fatigue moi. Pour du black ultra qualitatif au final. Ordure ensuite, le power trio lyonnais actif depuis une demi-douzaine d'années qui vient de sortir son second album, une sortie Lixiviat Record. 21 morceaux pour 19 minutes, ça va à l'essentiel, hein. C'est power violence, c'est crusty D-beat, ça va vite, c'est bruyant, c'est grindcore as fuck et c'est très chouette. Voilà, à l'opposé de ce que peut proposer le raffinement de Pénitence Onirique, mais on peut largement apprécier les deux cependant. Nature Morte, c'est le titre du nouvel effort studio de Pénitence Onirique. On s'écoute le morceau Les Mammonites. Absolument parfait, toujours ces titres de ordure. On s'écoutera le morceau La Folie des Glandeurs, enchaîné à C'est quoi ce poisson? Et l'album s'intitule Bistre Repetita. C'est parti!